إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلوب أنواع ثلاثة قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض فالقلب السليم هو قلب المؤمن والقلب الميت هو قلب الكافر أو المشرك والذي لا يعمل بما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وأما القلب المريض فهو قلب فيه إيمان وشهوات أو إيمان وشهوات أو شبهات يعني فيه الإيمان وفيه الشهوات أو الشبهات فمرة يتأثر بالقرآن والسنة والعمل بها ومرة تغلب عليه المعاصي والشهوات كالزنا وغيره أو بالشبهات كالشك في القرآن والسنة فإن غلب على هذا القلب الدين والإيمان فهو مع المؤمنين مع القلوب المؤمنة السليمة وإن غلب عليه المعاصي فهو مع القلوب الميتة والعياذ بالله فلنحذر من القلوب السيئة وهي القلوب الميتة والقلوب المريضة وعلينا أن نهتم بالقلوب السليمة وأن نعمل الأسباب حتى تكون قلوبنا سليمة لأنها التي تنفع صاحبها يوم القيامة ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وصلاح القلب وسلامته هو أن يكون سليما موحدا لله يكره الشرك ويكره الكفر وأهله وأن يكون بعيدا عن الشهوات يكره الزنا يكره اللواط يكره شرب الخمر ويكره جميع المعاصي وكذلك كل الشهوات المحرمة عموما ويكون سليما من الحقد والحسد والكبر وكل أمراض القلوب والرياء ويكون سليما بعيدا عن حب الدنيا والإقبال عليها ويكون مقبلا على الله والدار الآخرة وهذا هو القلب السليم الذي ينفع صاحبه يوم القيامة وأما القلب الذي فيه شرك أو كفر أو شبهات أو شهوات أو أحقاد أو حسد أو كبر على المسلمين إن هذا قلب مريض يحتاج صاحبه أن يعالج نفسه من هذه الأمراض التي ربما تجعله قلبا ميتا مع قلوب المنافقين أو تجعله بين المرض والموت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد، صححه الألباني. وهذا هو أفضل القلوب، القلب التقي النقي الموحد لله الذي يقوم بما أوجب الله عليه في القرآن والسنة، يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ليس في قلبه غل أو حسد على عباد الله. عباد الله، قد يهتم كثير من الناس بأعمال الجوارح والأمور الخارجية في الدين كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، وهذا لا شك أنه مهم جدا ومن الإيمان، ولكن قد يكون في نفس الوقت تجد قلبه مريضا بالشهوات أو الشبهات في الدين أو حب الدنيا أو الغل أو الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فاهتموا عباد الله بأعمال القلوب، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعائه اللهم إني أسألك قلبا سليما. فيا عباد الله، القلب السليم هو الذي ينجي صاحبه يوم القيامة، فعلينا أن ننظر في قلوبنا هل فيها شيء من هذه الأمراض، إما شكا في الدين أو فيها شهوة من الشهوات التي لا زالت فيه، كبر أو غل أو حقد أو حسد على عباد الله. فمن وجد شيئا من ذلك فعليه أن يعالج نفسه بالدعاء، وخصوصا يعني في قرب دخول هذا الشهر المبارك الآتي شهر رمضان، فلنهيئ أنفسنا بتطهير قلوبنا من هذه الأمراض القلبية. والدعاء يعني عمل فعال يذهب عنك ما تجد في قلبك من مرض، ومعالجة هذه الأمراض في الدنيا خير لك من أن يستمر معك بعد موتك ثم تحاسب بهذا الذنب الذي يبقى معك بعد الموت، لأن القلوب المريضة والميتة لم تكن سليمة فسوف تحاسب يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Le sujet de la khutbah d'aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important par rapport au cœur, parce que c'est certain que qu'est-ce que nous, les êtres humains, on voit les uns des autres, c'est uniquement qu'est-ce qui est à l'extérieur. Il n'y a personne d'entre nous qui a le pouvoir de voir à l'intérieur des corps, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des poitrines pour détecter ce qu'il y a à l'intérieur des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a expliqué ce principe-là. Qu'il n'est pas venu justement pour ouvrir l'intérieur des hommes et voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et la règle générale dans l'islam, c'est que on juge selon qu'est-ce qui est apparent à l'extérieur, dans les paroles et dans les actions d'une personne. Et c'est ça qui détermine notre référence pour juger entre ce qui est bien et ce qui est mal, et la personne qui est sur la droiture et la personne qui est sur la déviation ou l'égarement. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il est témoin de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il n'y a rien qui lui échappe de quoi que ce soit de ce que l'être humain peut avoir comme suggestion, comme passion, comme désir, comme envie, comme tentation, comme hypocrisie, comme jalousie, comme autre problème, comme mécréance ou hypocrisie, ou bien toute forme de contradiction avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit exactement ce qu'il y a dans nos cœurs et dans nos poitrines. Un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est alimun bidhati sudur. Il sait exactement ce qu'il y a dans les poitrines. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran un verset dans lequel il mentionne, il montre l'importance du cœur. Il dit: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et ce verset fait référence au jour de la résurrection, le jour où chacun d'entre nous sera ressuscité et se tiendra debout devant le Seigneur des mondes, le Créateur de l'univers. Et ce jour-là, chacun d'entre nous, on sera jugé et on aura à rendre des comptes. Et chacun s'occupera de sa propre personne ce jour-là. Personne ce jour-là pensera à quelqu'un d'autre, ni ses parents, ni ses enfants, ni ses frères, ni ses sœurs, ni ses amis, ni son épouse. Ce jour-là, chaque personne sera uniquement préoccupée par sa propre personne, par son propre âme. Et personne ne pourra rien pour une autre. Aucune âme ne pourra rien faire pour une autre âme. Chacune d'entre elles ne pourra rien faire pour quelqu'un d'autre, excepté que de penser à son propre sort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie le jour où aucun bien ou richesse et aucun enfant ne sera bénéfique ou profitable, excepté celui qui vient à Allah avec un cœur saint, un cœur propre, un cœur pur. Celui qui vient avec un cœur saint et un cœur pur, celui-là, ça va lui profiter. Mais les ulama ont classifié les cœurs en différentes catégories. Il y a le cœur qui est saint, le cœur qui est propre et pur. Il y a le cœur qui est mort. Il n'y a plus de vie dedans. Et il y a le cœur qui est malade. Il n'est pas pur et saint, et il n'est pas mort non plus. Mais il est entre les deux. Le cœur saint, c'est le cœur du croyant, le cœur du muwahhid, le musulman qui est sur le tawhid, qui est fermement accroché à la foi, qui n'associe rien avec Allah dans l'adoration ou dans la croyance, et qui purifie son adoration pour Allah seul, et qui s'écarte des interdictions et des péchés et des innovations dans la religion. Le cœur mort, c'est le cœur du kafir, ou du mushrik, celui qui associe avec Allah ou qui renie la foi en Allah ou en les piliers de la foi. Je vous demanderai encore une fois de vous rapprocher un peu ou de vous serrer, hein, remplir les espaces qui sont vides. Barakallahu fikum. Donc le cœur meurt, le cœur qui est mort, c'est le cœur du mushrik et du kafir. Et il y a le cœur malade. Le cœur qui est malade, c'est le cœur dans lequel il y a de la foi, mais en même temps il y a des passions, des désirs, des tentations illicites. Et il y a également dans ce cœur des doutes ou des ambiguïtés ou des problèmes dans la compréhension de la religion. Et à notre époque, on vit à, une époque où vous savez que l'information circule à toutes sortes de niveaux et elle circule extrêmement rapidement. Les informations sont tellement nombreuses que ça devient compliqué pour quelqu'un de distinguer parfois entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a même le phénomène dont on entend parler à notre époque des fake news, les fausses nouvelles, des informations qui sont mensongères, mais qui sont diffusées tellement de façon à grande échelle que les gens imaginent ou pensent que ces informations-là sont vraies. Parce que parfois, à force de répéter quelque chose de faux tellement de fois, eh bien, les gens peuvent parfois commencer à y croire. Alors, pour une personne dont le niveau de connaissance et le niveau de science est limité et le niveau de compréhension et de foi est très bas, lorsqu'il est mis en face de toutes sortes d'informations incorrectes et mensongères ou imprécises à propos de la religion et de l'islam, il est possible que des doutes s'installent dans son cœur à propos de sa religion. Et c'est pour cette raison-là que les ulama de l'islam nous ont avertis contre le fait de prendre notre religion des sources qui sont douteuses, ou bien des références qui ne sont pas authentiques, ou bien de certains individus ou certains groupes ou certains sites internet qui, par exprès, vont propager des informations pour mettre en doute les croyants sur des aspects fondamentaux de l'islam et de la religion. Alors, dans ce cas-là, le croyant, son attitude face à ces choses-là doit être de s'écarter de ces genres de sites et de ce genre de sources d'égarement et de doutes, et de préserver sa foi et sa connaissance en ne retournant qu'aux références qui sont claires, connues, fiables et authentiques au sujet de la religion. Parce que si la personne s'aventure sur ces sites d'égarement et de doute, et qu'il pense être capable de pouvoir les réfuter sans avoir étudié correctement la religion, il risque de s'égarer facilement de l'islam. Et c'est le cas, et c'est arrivé à beaucoup de monde qui pensait avoir suffisamment de compréhension de la religion pour être capable de réfuter les kuffars et les mushrikines et les athées et tous les autres groupes. Et finalement, en entrant dans ces sites-là, les doutes se sont infiltrés dans leur cœur, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et ils n'ont pas été capables de les retirer. Alors leur cœur est devenu malade. Et ils sont tombés dans le nifaq. Et ils ont commencé à remettre en question des principes et des fondements de l'islam. Et petit à petit, ils se sont éloignés de la religion jusqu'à ce qu'ils tombent dans le kufr et dans l'apostasie. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances et de compréhension. Et même si on a de la connaissance, et même si on a de la compréhension, personne n'est à l'abri de l'égarement. Les cœurs sont entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. Et c'est pourquoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, invoquait Allah constamment en disant « Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik ». Les gens, parfois, quand ils quittent la foi et qu'ils s'égarent de la religion, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils font de façon volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut quitter l'islam sans même s'en apercevoir, sans même en être conscient, parce qu'il remet en question des aspects de la religion qui sont établis dans le Coran et dans la Sunna. Et il pense qu'il y a des erreurs dans ces principes-là, parce que les koufars ont réussi à le faire douter en ces questions-là dans la religion. Si la personne cherchait la science, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, lorsqu'il a dit « Talabul ilmi farida ala kulli muslim » la quête du savoir est une obligation pour tout musulman, et qu'il était parti en direction des hommes de science et des savants de la Ummah pour leur demander des questions sur les choses sur lesquelles ils ont des doutes et pour leur clarifier les sujets sur lesquels ils ont des ambiguïtés, peut-être qu'à ce moment-là, ils auraient pu guérir leur cœur de ces maladies et de ces doutes. Toutefois, malheureusement, eh bien, ils sont restés dans leur ignorance et ils se sont renfermés sur eux-mêmes et les doutes n'ont fait qu'augmenter et qu'ils se sont éloignés petit à petit du droit chemin. Donc, à notre époque, il faut faire très attention. Non seulement des ennemis extérieurs de l'islam, parmi les koufars et les mouchriquins, mais également parmi les ennemis intérieurs, qui sont les munafiquins, ou bien qui sont les gens de bid'ah, qui ont des croyances déviées, qui ont dévié du Coran et de la Sunna et de l'enseignement des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre en fait parmi les dangers et les ambiguïtés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre l'importance du cœur, il dit dans le hadith, certes il y a dans le corps un morceau, s'il est bon, le reste sera bon, s'il est mauvais, le reste du corps sera mauvais, c'est-à-dire le cœur. Et donc, il ne faut pas croire ou s'imaginer que c'est suffisant d'avoir la prétention d'avoir un cœur pur et de prétendre avoir la foi dans le cœur lorsqu'on ne fait rien parmi les actes d'obéissance et qu'on ne s'écarte de rien des actes interdits par l'islam. C'est comme le criminel ou le voleur ou la personne qui vit dans le péché et qui ne fait rien de ce que Allah a ordonné, et quand tu lui dis « Oh mon frère, pourquoi tu ne fais pas ta salat, pourquoi tu ne t'écartes pas de ce qui est haram ?» et il te répond « Al-imanu fil qalb » la foi c'est dans le cœur. Donc, même si tu me vois être la personne la plus corrompue des corrompus et la plus égarée des égarés, mon cœur est plus pur que vous, plus pur que ceux qui prient, plus pur que ceux qui lisent le Coran, plus pur que ceux qui s'écartent du Coran, plus pur que celles qui portent les hijabs, plus pur que celles qui s'éloignent du zina, plus pur que tous les autres qui font ce que Allah ordonne et qui s'abstiennent de ce que Allah a interdit. Pourquoi? Parce que je le prétends avec ma bouche. Comme si la foi c'était uniquement quelque chose qui s'établissait par la langue. Mais si c'était le cas, eh bien ce serait très facile. Sauf qu'on ne peut pas mentir à Allah. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Allah. Parce que Allah sait ce qu'il y a en nous. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos poitrines. On ne peut pas lui mentir ou le tromper. Donc tout ça, c'est pour nous rappeler l'importance de vérifier l'état de nos cœurs et de faire en sorte qu'on soit avec un cœur propre. Et parmi les meilleurs moyens pour purifier notre cœur, eh bien, il y a bien entendu le rappel d'Allah, l'apprentissage de l'islam, la récitation du Coran et les du'as constants à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de purifier nos cœurs et de nous donner les causes pour qu'on puisse justement rester avec le cœur pur, pour que lorsqu'on rencontre Allah au jour de la résurrection, eh bien, on sera, inshallah, avec un cœur pur et Allah sera satisfait de nous.